métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence pour ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans tout revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, vole, vole, vole, vole, vole. Que d'espérance. Ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être.